Chapitre 30e. L'espèce de torpeur où nous avons vu plusieurs fois Vivien plonger le gagne peu à peu, mais de sourdes angoisses morales s'ajoutent à sa souffrance physique et il s'écrie « La cause, la cause ! Comment les crises peuvent-elles revenir implacablement aux mêmes heures, à la même place ? N'y a-t-il pas là une raison fatale, criminelle ? N'ont-elles pas le poison et non la maladie pour agent ?» Il se persuade avec terreur que son existence ne donne sur la terre satisfaction à âmes qui vivent, que George Leland est dans le voisinage et que la meilleure des femmes en apparence est capable de briser sans pitié le cœur de celui qu'il a le plus aimé. « Didcot, se dit-il, me croit atteint d'une maladie de cœur, mais il n'est pas infaillible, et on ne découvre jamais qu'un homme a été empoisonné qu'après sa mort. » Il se souvient que Mark a éprouvé les mêmes sensations dans cette chambre après avoir bu dans ce même gobelet posé sur ce même plateau, et qu'il ne se serait peut-être jamais réveillé si lui, Vivien, n'était arrivé pour faire prendre à Marc un antispasmodique. Ces réminiscences, véritablement étranges, le remplissent d'appréhensions de toutes sortes. Il est évident qu'on cherche à le faire disparaître de ce monde, lentement, de sang-froid, au moyen d'un poison qui simule la maladie. Lorsqu'on aura bien établi l'existence de cette fable, on fera jouer une dernière dose de poison aussi active que le couteau. Le major Leland est dans le voisinage, se berçant de brillantes espérances. C'est lui, sans nul doute, qui est l'instigateur du crime. Enfin, M. Penruff sent qu'il va tomber évanoui, peut-être mort, car déjà une sueur froide baigne ses tempes. Il se fait dans son cœur un affreux combat. Non, non, je ne veux pas disparaître de ce monde, comme un vieux rat empoisonné. Il sonne et dit à son valet de chambre d'aller chercher madame. Monsieur serait-il malade ? Non, mais allez prévenir madame immédiatement. Barbara, alors, avec sa mère, accourt près de Vivien, qu'elle trouve le Yatton, pâle comme un mort, froid comme un marbre. Elle ne peut maîtriser son émotion et s'écrie « Vivien, Vivien, vite, un peu d'eau de vie !»« Non, » dit M. Penruff en arrêtant la main de Barbara, qui s'approche en tenant un flacon. « Ce sera peut-être mortel. » « Je vais vous faire une question. Mettez-vous ici, la tête tournée à la lumière, de façon à ce que je vous voie de face. Grand Dieu ! Quelle sérénité ! Quelle pureté dans votre regard ! Quel calme ! Votre devoir est de m'éclaircir sur une lettre que j'ai reçue. De qui ? De quelqu'un qui vous connaissait avant votre mariage et qui vous accuse d'une légèreté de conduite que je ne veux pas qualifier. » Est-il vrai que vous soyez allé à Southampton passer mystérieusement quelques jours avec le major Leland, alors capitaine lors de son dernier départ pour les Indes ? Quelques jours ? Vous voulez dire quelques heures, sans doute. Oui, j'y suis allé. Mais au su et au vu de ma mère et de ma sœur, qui ne m'ont pas condamné au mépris pour avoir été dire adieu à mon fiancé sur la jetée de Southampton. Vous n'êtes donc pas resté avec lui à Southampton ? Vivien ! S'écria Barbara avec indignation. Avouez cependant que c'est un scandale de voir une jeune personne, loin du lieu qu'elle habite, se promener au bras d'un jeune et brillant officier. C'est M. Mulford qui m'a ainsi calomnié. C'est lui qui m'a vu à Southampton au moment où le Hesper allait lever l'ancre. C'est lui qui m'a reconduite au train. Ah, si je m'étais douté que ma conduite m'exposait à de si indignes soupçons, j'aurais renoncé, je vous le jure, à m'accorder cette douce consolation. Dites, Vivien, croyez-vous que je mente ? Las d'aimer sans espoir, n'avez-vous pas plus tard sacrifié votre conscience à votre amour, en combinant un plan criminel pour vous débarrasser de moi ? Mais cette dernière dose de poison n'est pas encore assez forte. Donnez-moi ce flacon d'eau-de-vie, pourvu qu'il ne contienne pas de poison. Ah, donnez-moi donc un peu d'eau-de-vie. Barbara présente en tremblant le verre qu'il demande. Ah, vous tremblez maintenant que la fin approche, murmure-t-il. Barbara sonne avec une agitation nerveuse, et dit d'aller au plus vite chercher Didcot, Madame Trevenock et Mademoiselle Florence. Florence, qui avait entendu la voix pleine d'angoisse de sa sœur, entre avec précipitation. Sa surprise et sa consternation sont au comble lorsqu'elle aperçoit Vivien renversé dans son fauteuil, immobile, les yeux ouverts, fixes, les mains raides, et Barbara, debout près de lui, interrogeant la physionomie de son mari avec une inquiétude mortelle. Vivien est sous le coup d'une crise terrible. Il a reçu ce matin, paraît-il, une lettre anonyme dont le contenu l'a bouleversé. Il vient de me faire subir l'interrogatoire le plus cruel sur mon excursion à Southampton le jour du départ du Hesper. tâche de détromper Vivien, je t'en supplie, Florence. Dis-lui que je n'ai rien, absolument rien à me reprocher. » Florence écoute sa sœur en ouvrant de grands yeux effarés. « Mon cher beau-frère, dit-elle à Vivien en se penchant vers lui, vous avez une femme 100 fois meilleure que vous ne méritez. Vous êtes très injuste envers elle. » Vivien ne fait entendre que des sons inarticulés, au milieu desquels on distingue « J'étouffe, je meurs empoisonné. » « Que faire, mon Dieu, que faire ? » s'écrie Barbara. « Ce n'est pas la première fois que je le vois dans cet état. Seulement, ce qui est horrible à dire, Florence, c'est qu'il m'accusait tout à l'heure d'avoir voulu l'empoisonner. Ah, cet infâme soupçon m'a percé le cœur comme une flèche. Si nous étions en ville, ce n'est pas un médecin mais un officier de police qu'il faudrait aller quérir. Peut-être Vivien est-il devenu fou à la suite des terreurs atroces qui lui ont traversé le cerveau après la réception de cette lettre anonyme. Ah, c'était elle qui était empoisonnée. La présence de Prissy pourrait peut-être nous être utile. Va la chercher, je t'en prie, j'ai tant besoin de secours. » Les sourcils de Florence se froncent légèrement. « Ce n'est pas l'intervention de Prissy que j'irai chercher, » murmure-t-elle, « mais celle d'un homme intelligent, courageux, éprouvé, qui pourra protéger une pauvre femme contre les odieuses calomnies d'un fou. » Barbara ne pouvait quitter son mari. Avant même qu'elle pût protester, Florence était sortie brusquement de la chambre de Vivien pour aller revêtir en toute hâte son habit de cheval et son petit chapeau à haute forme. Quand, au bout de 10 minutes, elle redescend, Pepper and Salt l'attend au bas du perron, tenu en main par un groom. « Mademoiselle va sans doute chercher le médecin, » dit-il en mettant le pied de la jeune Amazone dans l'étrier. « Sanderson est parti pour Camelot il y a un grand quart d'heure. »« Non, Pierre, » répond-elle tranquillement, « je vais seulement faire une promenade. » Florence met d'abord son cheval au pas, mais au détour de la route, elle prend au galop le chemin de la falaise, traverse la lande comme un trait, franchit les obstacles comme un daim. Aucun pli de terrain, aucune rigole remplie d'eau n'arrête ni le cheval ni son mince et léger fardeau. Pepper and Salt foule les bruyères, saute les petits torrents, gravit les rochers. Au bout de la montée, Florence renouvelle connaissance avec la cabane dont le major Leland a fait son observatoire accoutumé. Puis, Florence redescend l'entreversant de la rampe, son regard plongeant sur Rockport qui se cache au fond du ravin. En face du moulin à eau, elle découvre l'auberge de Waterloo qu'un rideau d'arbres protège contre les colères de l'océan. C'est une tente-abri pleine de sécurité et de douceur pour un soldat au retour d'une campagne dans l'Inde, après les marches forcées sous un ciel torride, les nuits troublées par les grondements sourds des animaux féroces. Ces souvenirs si mêlés de périls, fatigue et gloire hantent sans doute la mémoire du major Leland pendant qu'il va et vient devant la porte de l'auberge en fumant son cigare. Il est subitement tiré de sa rêverie par le bruit du galop d'un cheval. Il tourne la tête et Florence lui apparaît montée sur Pepper and Salt. Pour le major, jeter son cigare et se diriger vers l'Amazone fut l'affaire d'un instant. « Que vous êtes bonne de venir trouver un vieil ami, » s'écrie George Leland. « Mais d'où vient votre air inquiet et agité ?»« Ah, major Leland, je suis si malheureuse. Monsieur Penrose accuse Barbara de l'avoir empoisonnée. » Et je viens vous demander aide et protection contre un tel outrage. Ciel, que me dites-vous là? Je suis à vos ordres, Florence. Vous savez que je donnerais ma vie pour sauver votre sœur. Le major Leland fait demander le meilleur cheval du village, et bientôt on lui en amène un sellé bridé, dont le trou allongé dévore l'espace, dit-on. Après une ascension de 20 minutes, Florence et son compagnon descendent un bride abattu sur Penrith Place. Les montagnes ont cela de bon qu'elles permettent de parler pendant qu'on les gravit, et le major Leland a profité de la circonstance pour demander à Florence si Barbara a jamais eu à se plaindre de son mari avant ce fatal jour et quel est le serpent qui peut ainsi le mordre au cœur. Monsieur Penrose a été jusqu'à ce moment d'aberration, de folie, le meilleur des maris et le plus généreux des beaux-frères. Il nous a invités constamment à venir voir Barbara, et durant les mois que nous avons passés à Penrose Place, sa bonté pour sa femme ne s'est jamais démentie un seul instant. Votre sœur a-t-elle demandé de venir me chercher? Barbara? Mais elle n'a jamais eu une idée pratique dans toute sa vie. C'est une personne à s'écrier dans les grandes calamités. Allah, Allah est grand, Kismet. Bien loin de douter que je sois venu vous trouver, elle croit que je vais lui ramener, mademoiselle Penrose, vieille fille revêche, dominatrice, qui a la manie de régler la conduite de tout le monde, comme Charles Quint avait celle de régler les pendules. Arrivés dans la plaine, Florence et le major Leland mettent leurs chevaux au galop et semblent des feuilles emportées par la tempête. La futaie de chêne disparaît derrière eux, puis la grille de l'entrée, puis la pelouse franchie comme un champ de course par Pepper and Salt et la monture du major Leland. Puis la terrasse, à l'extrémité de laquelle s'élève le massif édifice de Penhoth Place. Florence et son compagnon descendent de cheval et se dirigent vers la chambre de M. Penhoth où se déroule un véritable drame domestique. Le malade est étendu, inerte, sur son lit. Barbara, Mlle Penhoth, Mme Morris, le valet de chambre, les yeux attachés sur le patient, semblent sous le coup d'impressions diverses. « On a pu découvrir Didcot à Camelot, et on a dû aller chercher un médecin à Launceston. » Les instants sont précieux. L'état de Vivien est toujours aussi comateux. Que faire? C'est alors que Florence et le major Leland font leur apparition. « J'espère que tu ne m'en voudras pas, » dit Florence à Barbara, « d'être allée chercher aide et secours. » En voyant le major, un sourire d'espoir et de reconnaissance fait trembler les lèvres de Barbara. « Merci, » dit-elle tout bas à George Leland, « de vouloir bien être mon appui dans les douleurs dont on m'abreuve. » C'est moi qui ne puis assez remercier Florence de m'avoir jugé digne de vous aider et de vous défendre. » Tout en parlant à Barbara, le major examine avec une scrupuleuse attention la physionomie de tous ceux qui l'entourent. Celle de Mme Penhoth peint l'inquiétude et la douleur. Celle de sa belle-sœur, la froideur égoïste. Celle du valet de chambre, une anxiété sincère. Mais il est surtout frappé de l'expression perverse et fausse d'une femme en deuil qui se tient dans l'ombre et qui a peine à dissimuler l'agitation qui la dévore. Dites-moi, je vous prie, madame, comment cette crise est-elle survenue et ce qui l'a provoquée? Demande George Leland à Barbara. J'ai eu souvent l'occasion de soigner des malades aux Indes, et mon expérience peut être utile aujourd'hui à M. Penhoth. Barbara, surmontant son émotion, raconte que son mari est tombé en syncope après avoir bu un verre de bière. Elle ajoute que dans une crise précédente, quelques gouttes d'eau-de-vie avaient eu le plus rapide et le plus heureux effet. Je suppose que vous avez eu encore recours à ce remède si efficace. Madame Morris, la femme de chambre de ma belle-sœur m'a conseillé d'attendre un médecin. Les médecins, dit-il, ne rejettent jamais les conseils de l'expérience, et puisque l'eau-de-vie a déjà eu un effet favorable, il faut en user sans retard. Donnez-moi ce flacon, dit-il à Madame Morris, en jetant sur elle un regard d'une méfiance implacable. Puis je vous demanderai aussi de l'alcali, dit-il à Barbara. La dilatation des pupilles, la faiblesse du pouls de M. Penhoth, la température de la peau, le gonflement des lèvres, tout m'indique une situation analogue à celle d'un pauvre hindou mordu par un serpent, et je l'ai guéri en lui faisant prendre des doses d'ammoniac étendu d'eau. J'ai de l'alcali dans ma boîte pharmaceutique, dit Mademoiselle Prissy. Il fait signe à Madame Maurice d'aller chercher le flacon. Mariette, les lèvres pincées, sort lentement, sans bruit, en rampant plutôt qu'en marchant, et pour cette raison ou pour une autre, le major Leland, en la regardant s'éloigner, se rappelle cette définition que jusque-là, il n'avait jamais cru devoir appliquer. Qu'est-ce que la femme? C'est un tas de serpents.